Ouais, ouais, Pops, 2004, opposition de 9500, Argenteuil pour le régiment. Militants face à l'oppression, finiront sûrement par se faire intercepter, ça c'est ça les regrets. Oppressés, oppression, pas en mission contre la répression. Ma ville sous tension, réaction, tant de familles expulsées. Les jeunes condamnés, toujours autant d'exclusion. T'as ce type de magistrat qui signe des dossiers sans les examiner. T'as ce procureur de 40 ans sans famille, enfant, à pour pas tant détruire l'avenir des gens. Soi-disant, on n'a pas l'élégance, t'as ce flic qui raquette et viole des prostituées à chaque prise de service. En contribution à ce putain d'avenir bidon, j'élargis mon mode d'action avant notre exécution. 24 piges et je me sens toujours persécuté. À croire que j'ai pris perpécuté, malgré que je suis honnête, mais pas assez rattrape. Un gros doigt pour la BRP, pour la vague. Mon moral au bord du naufrage, prévu un carnage. Alerte ton entourage, pas dans les parages. En tireur isolé, prends MC dans le viseur à 10h. Le 004, les bacs, ma clique passe à l'axe, papa. Et l'on est à 95 missions, sans pour la réclusion pour leur passé criminel. Le clip sentinelle. Et l'on est à 95 missions, sans pour la réclusion pour leur passé criminel. Ouais, tu pèses les mots comme la saxo, refroidis les putes comme Sub-Zero. J'ai les crocs pour mon ghetto négro, je joue pour les rôles, tu finiras pas de faire pour El Pelo. C'est pas ma direction, juste mon opinion de ce criminel entreprise. On lâche pas prise, on les méprise. Trop d'années on a été larissés, parce qu'on est un peu frise, aromatisé, on m'a caractérisé. Je hais ce monde, malgré qu'on ne vit pas sous les bombes. Vision d'une jeunesse oppressée face à la répression. Pour 95-100% de raison, décibel la sanction, c'est ma mission. Pour la réinsertion, c'est qu'une vision. Le terrain miné, faut être déterminé pour ne pas être condamné. On se croira aux frontières du réel. C'est la stricte réalité de cette société. Mon flow c'est mon art. Je combats avec mes armes pour le dernier rassemblement de chaque militant, pressé d'aller combattre l'ennemi invisible pour la population de classe moyenne. Ils se croient supérieurs. En tant qu'acteurs de la rébellion, on s'éclaire le jour de notre libération sans rémission. Ça se passe dans nos HLM, le cœur de ce pays, papa. Pour l'oppression, ouais ouais, pour l'oppression. Et non, les WAD 95 missions, stop pour la réclusion pour leur passé criminel. Meuf les sentinelles. Et non, les WAD 95 missions, stop pour la réclusion pour leur passé criminel. Meuf les sentinelles. La vie est à mon regret, je me revois 10 ans derrière et ça a grave changé. On est devenu l'attraction, mais je pense à la résurrection. Trop non-assistance, tout ce monde pense à sa défense et à ses dépenses. Tout ce France, loi du fascisme et du racisme. Essayons d'avancer ensemble pour ce nouveau millénaire. Une nouvelle ère et une bonne atmosphère. Un monde différent, faut que ça soit réel. Ma tristesse permanente lors de mon adolescence. Donc j'avance même à contresens. Pour mon régiment, affûte mes éléments. Mon complément d'enquête, c'est ma dernière requête. Et l'on est WAD 95 missions, stop pour la réclusion pour leur passé criminel. Meuf les sentinelles. Et l'on est WAD 95 missions, stop pour la réclusion pour leur passé criminel. Meuf les sentinelles. Complètement relais. Dans le 9-5, je me laisse aller. Là où la corruption est en ébullition, je m'arme de mes munitions. Là, on s'en pute en acte de rébellion. Face à cet état pour qui je pense qu'on est là pour. Mais faut que j'avance, mais pas pas un poids. Armé du micro, marche cette putain de vie que moi que rien. Je pense qu'avec les miens, on ferait bien de tenir la main. Inch'Allah, c'est à mieux demain. Pour un triste lendemain.